Elle laisse les dire que je suis parti saoulé, que j'en ai ras le cul de voir mes parties foulées. L'ange de la mort qui m'attend, fils, et pour m'attendre, il est parti fumer. Ils veulent ma peau, n'aiment pas la leur, sont misérables. Et ma colère est viscérale, et ouais, un par jeu qui sont rap, je like dès qu'ils posent, détruit le poste. De la caisse, frappe le crâne avec classique jusqu'à ce qu'il pue de boss. Laisse jacter quand ça va pas, ils veulent tous ton départ, ton appart et ta meuf, veulent connaître son état. Laisse, je m'en charge, les frapper jusqu'à ce qu'ils crèvent. J'suis trop rapace, j'te jure, j'veux juste pas qu'ils t'aiment. Dans ma tête, on est 15, on est 30, j'sais pas. Imagine-toi, c'est pas 15 ou 30 gens bien, là c'est 30 j'étane. T'iras pas loin avec tes amis pareils. La nuit te porte conseil, mais chez moi je crois que c'est chaque nuit pareil. Je reste fidèle à moi, je peux pas disparaître, je peux pas me tromper. Enfin ça il paraît, elle tapote avec sa belle bouche. Vous parlez de moi, comme si moi je devais parler de vous. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de vous. Toujours seul dans le fond, je te le jure, j'ai pas besoin de vous. Ils veulent que mes rêves deviennent des cauchemars. Veulent m'arrêter avec des gros bras. Vas-y tente, mais pousse encore. Vos promesses, vos menaces, je les ai toutes encore. Entre ceux qui veulent ma tête et ceux qui veulent ma paix. Toi t'aimes la vie, moi je parle à ceux qui veulent la perdre. Je donne merveille à ceux qui veulent la perdre. Je fais la guerre, l'amour, donne la misère à ceux qui veulent la paix. Je fais ce que j'ai à faire sur terre, fille. Je veux pouvoir marcher dans les rues de Venise avec une belle fille, hyper fière, belle vie, sans devoir refaire de prière. T'as le regard de ce fils de pute de pointeur qui guette une belle fillette. Je vous conseille de faire vite avant de passer la serpillière. Aujourd'hui c'était la même qu'hier. T'entends ces battements. Vous êtes sans nous, on est 400. Elle tapote avec sa belle bouche. Vous parlez de moi, comme si moi je devais parler de vous. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de vous. Toujours seul dans le fond, je te le jure, j'ai pas besoin de vous. Ils veulent que mes rêves deviennent des cauchemars. Veulent m'arrêter avec des gros bras. Vas-y tente, mais pousse encore. Vos promesses, vos menaces, je les ai toutes encore. Même si l'histoire paraît magique, elle ne l'est pas, n'est-ce pas? J'ai tout vu, je lavais la vitre. Comme si la vôtre valait ma vie, n'ai-je pas le droit de parler, tant pis, je vais la vivre. Tu dis de la merde, arrête avec ces phases. T'es étourdi, suffit de la mettre, j'éteins dans le lait ou danse avec le diable. Mais qui suis-je vraiment? Au dernier jugement, le tout-puissant sera-t-il clément? Mais qui suis-je vraiment? Le tout-puissant sera-t-il clément? J'en ai dans le crâne. Les jaloux qui sourient jaunes ont les dents crades. C'est pas pratique, je vois les gens fermes. C'est la fatigue qui t'aplatit, je les enferme. Puis les conneries, je les enchaîne. Et là c'est mal, mais lâchez-moi. Car sur la main celui-ci vient des enfers. T'as rien compris, c'est l'essentiel. Regardez-moi, regardez-moi, j'ai l'air gentil. Oui, je me sens fier. S'ils sont dits, je les encercle. C'est le visage que je montre que les gens cernent.